Si t'allumes pas ton micro, Gérard, ça peut pas marcher. Hein. Ah bah non, bah ça marche pas alors. Hein. Bah donc il marche pas. Mais c'est pas le bon truc, espèce de naze. C'est l'autre télécommande, Gérard. C'est ce boîtier là, Gérard, celui qui est là. Ah là là là là là là là là. Il est pas aidé quand même. Hein. Bon là, c'est. Oh le merveille de la technique. En plus, il déconne celui-là. Oh là, allez, on y va. Bon, donc là, c'est moyen comme son, mais c'est pas grave. Je vais essayer de travailler comme ça, comme d'habitude. Sinon, je vais changer de micro, ça va pas être grave. Donc, le premier débat qui va porter sur le Festival de Cannes. Et donc, le disque qu'on vient de s'écouter, Manu, c'était C'est une très bonne question, ça, Gérard. Ouais, ben, faudra peut-être le voir. Merci. Alors, donc, c'était titre du disque, Partout de Star, avec j'ai pas monté les marches, mais j'ai monté les des grosses, donc je vois pas du tout le rapport. Bah, c'est le titre. Avec ça, donc, ok, bon, bah, c'est pas grave. Alors, pour ça, on va accueillir. C'est quel débat, Gérard? On parle du Festival de Cannes. Faut peut-être le dire aux gens. Ça fait 5 mois que je l'annonce. Alors donc j'ai oublié de vous préciser. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 085000. Donc Apolline et Pudard sont à votre écoute. Donc j'espère que ce soir ça va bien se passer. Sur l'IRC www.fr.radio, c'est Rego qui vous y attend. Bonsoir, on est déjà beaucoup et il y a Jet qui a adoré ta prestation dans On prend mon cul pour une tirelire. Ah ouais? C'était béton. Ah bon, je sais pas ce que c'est que cette histoire, mais c'est pas grave. Et ben, Minitel, c'est pas la peine d'en parler, il fonctionne pas ce soir, comme d'habitude. Donc, alors, premier débat sur le Festival de Cannes, j'ai bien précisé. Et pour ça, on va accueillir Grosse Plame, 23 ans d'Annecy. Grosse Palme. Palme, ouais. Grosse Palme d'Annecy, où on écoute Fun Radio, 102.1. Bonsoir à toi. Bonsoir Gérard, bonsoir l'équipe. Allez, bonsoir. Madonna, 29 ans, de Verdun, 93.9. Oui, tout à fait, bonsoir, c'est Madonna. Ouais, Madonna, pour un... Madonna, c'est... Normalement, c'est une nana, c'est pas un mec, ok. Mais tu crois que tu vas voir la vraie Madonna? Pour l'instant... La Virgin. Les micros, vous les éteignez au standard, s'il vous plaît. D'accord. Celui-là, pareil. Pour l'instant, Manodan, tu t'es, s'il te plaît. Merci. Sylvie Joly, 24 ans, de Brest, 104.3. Oui, bonsoir Gérard. Je bonsoir Sylvie, à toi. Je suis beau gosse, donc Sylvie. Ouais, ouais, ben, ouais. Hop, c'est pas la peine de... Non, mais je te précise. Salut. Oh salut Sylvie, bonsoir. C'est bonne, toi. J'en connais deux tout à l'heure qui vont pas commencer les premiers débats. Donc, c'est Gérard, la question. Et Valérie Le Merdier, ouais, bon, là, quand ils écriront correctement au standard, ça fera peur. 22 ans de Nancy, 102.1. Bonsoir, GG, bonsoir les auditeurs, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, alors, première question. Donc, vous commencez pas, là, les deux, parce que je sens que ça va gerber. Ça va gerber. C'est bon. C'est moi, j'ai même vous calmez. Sylvie et Madonna, vous calmez, ou sinon vous gerbez. Pas moi non plus. Oh, c'était moi, Gérard, je me raclais la gorge. Ouais, ben, toi, ça va être pareil. Oui, pas de problème. Tu poses la question, Gérard? Ouais, ce serait bien. Alors, déjà, première question, connaissez-vous Ken? On va demander ça, ben, tiens, à Valérie Le Merdier. Ken, oui, je connais. Alors, tu peux préciser? Je connais la croisette, je connais les marches, je connais les hôtels, je connais tout, en fait. Je connais Cannes. Alors, tu peux me préciser combien que l'hôtel le plus près de la croisette qui est... Pas de marque. Attends, tu permets? Vas-y, je te réponds. Qu'est-ce que je vais te dire une chose. Tu me redis encore un mot de travers, je te gère, toi. Compris, ah, Valérie Le Merdier? Parce que tu as la poudre de ta merde chez toi. Ok, vas-y, repose ta question. Non, mais je la reposerai pas. Non, mais par rapport aux hôtels et la croisette, c'était quoi? Alors, tu peux me préciser lequel hôtel est le plus près de... Il n'y a pas de marque hein, dans les débats. Ouais. C'est pas possible de préciser le nom de l'hôtel. Non, mais attends. Je vais simplement savoir, sans qu'elle cite le nom, lequel hôtel qui est... Lequel hôtel est le plus près? Ramirez. Bonne chance. Non. Non, Ramirez. Carlton. Ramirez. Non. Allez. Sylvie Joly. Oui. Donc, toi, tu connais Cannes? Oui, je connais Cannes, bien sûr, j'ai passé mes... Oh, vous arrêtez de vous prendre la tête tous les deux au standard? Allô? Pas la tête! Mais Gérard, mais t'occupes pas du standard, t'occupes pas des débats. J'y ai passé mes vacances l'été dernier. Ouais. Et moi, je monte pas les marches, mais je prends les ascenseurs. c'est beaucoup plus rapide. Ouais. Alors tu crois que pendant le festival de Cannes, tu as monté dans un ascenseur pour aller voir les films? Bah, on arrive à l'an 2000, je suis désolé, les marches sont dépassées. Ah bah là, je crois que tu te mets le doigt dans le cul. Bravo, moi je veux bien. Non, c'est vrai. C'est que je veux avec mes films. Sylvie Joly, tu réponds correctement à la question, sinon tu gerbes. Très bien, mais je t'ai dit que... Ça fait déjà deux fois que je t'avertis. C'est pas Gérard, je t'ai dit que je connaissais Cannes, et voilà. Très bien. C'est très bien Cannes. Moi, j'y passe mes vacances, tranquille. Putain, qui c'est qui m'a choisi ça encore? Ouais. Ah, mais écoute, on donne des réponses, tu veux pas... Mais ouais. Pour l'instant, c'est moi qui décide, d'accord? Je voudrais savoir qui c'est qui a choisi ses auditeurs. Moi, c'est Max qui m'a choisi, moi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, bah oui. Ouais, c'est avec Pauline. Ça pose un problème? De toute manière, on arrivera à savoir qui c'est qui vous a choisi. C'est pas de problème. Madonna. Ouais, bah écoute, moi je connais bien Cannes, je connais bien la croisade et les croisés. Et je suis d'accord avec l'histoire des ascenseurs, il faut être pour le progrès. Bien sûr. Moi je sais qu'il parle pour l'an 2000 de faire Cannes avec un escalator. Et ça, bon, allez, hop, Madonna et Sylvie Joly. Madonna et Sylvie Joly, au revoir. Non. Au revoir. Ok, Pencu, reste à ton époque, ok. Bah t'es enculé, connard. Alors là, tu me déchires. Gérard, pour calmer le débat, c'est d'un vulgaire, Gérard, c'est une horreur. C'est une horreur. Gérard. Terrible. Déjà deux. Attends. Non, mais c'est pas le problème, c'est toi qui t'énerve pour rien alors qu'ils te répondent bien aux questions. Non, vas-y. Attends. Ça n'a jamais été prévu qu'en l'an 2000, ils allaient faire des ascenseurs, d'accord? Et l'autre, tu me traites de peine cul, il ferme sa gueule, d'accord? Et puis l'autre, c'est pareil, ok? Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent à tes questions. On n'en veut plus, c'est pas la peine de la reprendre sous un autre. Allez, vas-y. Gérard, oui, sur IRC, pour calmer le débat, il y a Snooze qui te demande, parce qu'il n'est pas au courant, à savoir, c'est le combienième festival de Cannes cette année? Le 52e festival de Cannes qui se déroule à l'heure actuelle depuis hier. Disons depuis mercredi. Ah non, ils me disent le 23e en non, fait. Non, 53, 52. Ah. 52e. Il y a un problème là alors. Non, 52e parce que justement, j'ai posé la question depuis quand existe le festival de Cannes. Et apparemment, on a pu voir que ça tournait dans les alentours de 40-47. Hein. Mais ça, c'est une question qui sera à venir. Donc c'est le 40-47e festival. Non, c'est le 52e, c'est la 52e fois que le festival est à Cannes. Donc c'est la 52e. Et avant d'être à Cannes, il était où? Voilà, c'est le festival de Cannes. C'est ce qu'on ça, demande justement, aussi. Justement, je voudrais le savoir. Et c'est prévu dans tes questions ou... Non, c'est pas prévu parce que c'est... Roubaix, Dunkerque. Mais c'est Phil Dark qui a vu... On me demande aussi, c'est le festival de quoi? Bah, c'est le festival du film. Le meilleur film rapportera la palme d'or. Ah. Donc en forme d'espèce de la palme. Bah oui, c'est logique. La palme d'or, elle est pas en forme de tuba. Hein. Non, mais elle sera en or. Donc grosse palme, pardon. Ouais, donc alors quoi? Si je connais c'est Nice, c'est ça? Non, Cannes. Ah oui, Cannes. Non, je connais pas Cannes, mais je connais Nice. Non, mais attends. Et ça peut se préparer, tu vois, la croisette, Ah non, non, c'est pas du tout pareil. Hein. Ah bah si, hein, c'est pareil. Hein. Ah bon? Il y a des paniers. Non, mais attends. Moi, je te parle de Cannes. Je te parle pas de Nice pour l'instant. Ah, ok. Parce que le festival, il se déroule où? À Cannes. Bon, alors donc, il se déroule. Parce qu'il y a un festival de Béziers, enfin à Nice, tout ça, machin. De quoi? Il y a un autre festival à Nice et je crois que tu voulais qu'on parle de celui-là, parce qu'il est moins connu, non, mais c'est pour ça. Non, mais c'est quoi? Au prochain débat. Non, mais attends, c'est quoi comme festival qui se déroule à Nice? C'est un petit festival de films d'horreur, enfin bon, c'est pas grand-chose. Ah non, mais attends, parce que là, de toute manière, dans le festival de Cannes, tu vas sûrement avoir des films d'horreur et puis tout, hein. Ah non, enfin à Nice, c'est surtout axé sur le cul, mais je voulais pas le dire, en fait, mais voilà. D'ailleurs, c'est un tas d'air à Nice. T'as aussi le festival de la BD à Angoulême, hein. Ouais. C'est bien ça. Ouais, mais ça. Et ils montent pas de marche là-bas. Festival du cul à Suresnes. Ouais, aussi ça, mais faut pas le dire, c'est dans une tessie. Je vais pas le dire. Débrancher. Festival des kystes. Deuxième. Troisième. Les rotules en bois. Bon, GG, on a une petite surprise pour toi parce qu'il y a Fildar qui a réussi à choper au standard Jean-Claude Van Damme. Wow. Parce qu'il est assez fan de toi et il voulait absolument participer au débat. Donc il a 33 ans, comme tu le sais, il est de Bruxelles. Allô? Oui. Bonsoir. Tu peux voir la fréquence de Bruxelles? Alors, je sais plus où. C'est 100 FM. Ouais, j'ai oublié un peu, tu vois. Et puis à la place de Madonna aussi, on accueille Prince. Excuse-moi, j'aimerais bien que Van Damme il me fasse un grand écart direct. Ouais. Putain, il est fort. On se calme. L'autre, il appelle d'où? Prince, il appelle de New York. Ça, je sais pas la fréquence. Il écoute sur Internet. Internet. Voilà. Hi, Prince. Hi. Hello, everybody. Hi. Oh, you hit my phone. Hello. Faudrait peut-être déjà pour commencer les prévenir que c'est pas la merde ici. Yeah. C'est moi qui commande. Vous êtes prévenu là. Attends, toi déjà tu commences bien par les prévenus. Vas-y, la question. Attends, toi, tu t'écrases aussi, d'accord? Mais non, parce que ça avance pas, là, c'est pour ça. Ouais, bah toi, tu t'écrases, d'accord? Ouais, vas-y, moi, j'écrase les briques. Jean-Claude Van Damme. Ouais, je t'écoute. Non, alors, tu réponds à la question. Tu peux nous voyer un peu plus Bien sûr, moi, je vais au Festival de Cannes, bien sûr. Tu sais, là, je suis arrivé en truck. Tu vois. Ouais. Au Festival de Cannes. Yeah. Bon, les marches, moi, bon, je monte, mais je les brise direct. Ouais. Direct. Après, je me suis tapé un autogari avec Laetitia Castar. Uh-huh. Je l'ai pris dans le pieu et voilà. Quoi. J'ai fait mon dernier film, ça s'appelle Master des saucisses. Ouais. Et voilà. Une croûte. D'accord. Je crois que toi, tu n'as pas continué à t'amuser à jouer les gros bras. Prince de New York. Bah écoute, Vous le calmez tout de suite là. C'est Van Damme, il est obligé de faire des exercices. Non, faut le comprendre. Oh là, ça commence à devenir chiant là. Ouais. Déjà, rien que la première question, il y en a déjà deux de parties et on a deux nazes. Je crois que ça va pas aller. Comment tu parles de Van Damme? Oh, tu parles de naze. Oh, il est vénère là. Oula, t'as vénère Van Damme. Calme-le. Quand Prince Siver répond la question. Bon Prince, alors moi je te disais, je viens en France la semaine prochaine. Je vais aller au Festival de Cannes pour la première fois. Donc j'aurais voulu que tu me donnes un petit peu des indications, savoir où je pouvais descendre à l'hôtel, où je pouvais manger le midi, le soir, tout ça, comment il fallait que je me fringue, etc. etc. quoi. Tu viens avec Maïté? Pardon? Tu viens avec Maïté? Ouais, sûrement, ouais. Qui c'est qui veut répondre à ma place, là? C'est Grosspan, je me renseignais, c'est tout. Ouais, ben, pour l'instant, t'arrêtes de prononcer des noms, d'accord? Pas de problème. Que, ouais, donc, je viens pour la première fois, donc, de New York. On a une pirogue de 47 mètres qui nous attend, quand même. Ouais, c'est ça. Tu viens de New York et tu parles le français. Non, mais attends. Tu prendrais pas les gens pour des cons? Pas du tout, français, pas du tout. C'est absolument pas mon style. Non. Van Damme, là, ouais, je les prends pour des blaires, mais sinon, non. Non, presque pas. Non. J'ai cru mal comprendre, là. Ouais, j'ai cru que la tapette d'opéra. Deuxième question. Non, Gérard, j'aimerais que tu répondes, toi, quand même, et que tu dises à Prince, il t'a posé des questions, toi, comme t'as déjà été à Cannes et que tu sais comment ça se passe, tu pourras le renseigner. Et puis, et surtout, les auditeurs qui écoutent et qui voudraient aller à Cannes. Ouais. Merci. Attends, toi, pour l'instant, tu la fermes parce que ça fait déjà deux. Allez, Gérard, vas-y. Deux déjà. Gérard. Deux. Alors, connaissez-vous Cannes? Cannes, moi je le connais très bien parce que j'ai eu l'occasion d'y aller. J'ai pu voir de près le fameux truc du festival où que les personnes montent. Ouais. Donc, c'est-à-dire les acteurs de cinéma, tout ça. Et je vais vous dire une chose, que pour y aller, ce n'est pas évident, pour montrer pas de blanche. Ce qui veut dire pas de blanche, c'est faut être habillé en smoking parce que sinon vous passerez pas. Et de toute manière, c'est des escadrons de CRS qui sont là 24 heures sur 24 durant toute la durée du cinéma, du festival. Et Gérard, et c'est quoi les gens qui ont des trucs là où ils appuient tout le temps? Il y en a plein aussi devant. C'est des appareils photo. Ah d'accord, et ils photographient pourquoi? Pour eux? Non, ils photographient les stars du cinéma. Et pour qui? Pour eux. Pour eux, pour garder des souvenirs du festival de Cannes. D'accord. Alors, me prends pas pour un con parce que t'es venu avec nous il y a deux ans. Ben oui, mais je sais. Donc, alors, te fous pas de ma gueule, s'il te plaît, parce que ça commence à bien faire aussi, toi. Rigo, question IRC, non? Bah, il y en a plein, hein, donc je vais essayer d'en trier quelques-unes vite fait, mais ça défile tellement vite que je vais avoir du mal. Il y a Baf qui te demande à quand le festival de Cannes à Paris. Ça, je ne sais pas. Donc, des festivals de Cannes à Paris, ça m'étonnerait que ça existe. Hein. Pourquoi? Ben, ils vont pas avoir la salle assez grande. Assez grande pour accueillir tous les acteurs de ce, tous les acteurs et les réalisateurs qui seront présents. Ah, sinon, sur IRC, il y a Jojo qui est apparemment organisateur du festival. Il dit qu'il peut le faire chez toi. Non, bah lui, il va se faire foutre. Il fait les hot-doors chez lui. Hein. Tout à l'heure, il y en a un qui va se manger des stylos dans la gueule, comme la semaine dernière. Il fait l'after. T'as un petit sondage aussi, Gérard, non? Avant de continuer la deuxième question. Alors, aimez-vous le festival de Cannes? Tu permets, mais ça... Je te demande. T'éteins ton micro, c'est moi. Apolline, c'est idem. Parce que là, les micros allumés au standard, ça commence à être chiant. Hein. Alors, quand on vous demandera d'allumer vos micros, vous les allumerez. Alors maintenant, vous laissez vos micros éteints. Alors, 45% aiment le festival de Cannes. Alors, aiment bien ça. Donc, 34% préfèrent qu'on s'éteint au chocolat. Donc, apparemment, ils veulent parler sûrement des éclairs. 28% préfèrent le festival des Bourgoins sur Saturnin. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et donc, deuxième sondage. D'après vous, qu'est-ce qui manque au festival de Cannes? Alors, 67% des gens pensent que ça manque de débats. Donc, je vois pas le rapport. Alors là, par contre, vu que c'était quoi, ça? 24% qui pensent qu'il n'y manque rien. Qu'il n'y manque rien. Et 11% pensent que si j'étais là-bas, ça serait pire qu'une porcherie. Alors, je voudrais bien savoir qui c'est qui a fait ça. Et bien sûr, on va me dire tout de suite. On va mettre ça sur le rideau, bien sûr. Alors toi, l'espèce de Gwyn, tu vas fermer ta gueule parce arrête, que c'est pas arrête. Rideau. Arrête hein, parce J'ai que c'est pas dit, rideau. Ça. Si. Bah, demande-lui. Non, attends, c'est ce que t'as voulu dire, d'accord? Non, bah, c'est pas grave, vas-y. Bon. Enchaîne. Voilà, j'ai changé de micro, ce qui merdait celui-là. Ah ouais, bah, ça, je m'en doutais. Allez, vas-y. Alors, deuxième question. Alors, pensez-vous rencontrer des stars du cinéma durant le festival? Et qui voulez-vous voir? On va demander ça à Grosse Palme. C'est clair que si tu veux rencontrer des stars, autant aller au Festival de Cannes. Hein, tu auras plus de chances que de les rencontrer boulevard Malesherbes à Paris. Excusez-moi. Grosse Palme. Non, c'était pour te donner un exemple. Grosse Palme. Oui. Encore une connerie comme ça, tu gerbes, tu feras comme Madonna et Sylvie Joly, d'accord? Pas de problème. Si tu balances au habit de Podel, on est dans le caca. Ça commence à devenir sûr. Alors continue. Et sinon, qui j'aimerais rencontrer Moi, je peux le faire toute la nuit aussi, ça. Allez, hop. Au revoir, bonne nuit. Hop, terminé. Valérie Lemerdier. Bah, moi, je pense que c'est impossible. Rencontrer des stars à Cannes, non. Je te demande, pensez-vous rencontrer des stars du cinéma durant le festival? Qui voulez-vous voir? Mais ça, c'est sûr, c'est vrai, de toute manière... Je suis pas trop sûr, hein. Je sais pas. Non, mais de toute manière, je peux te le garantir, parce que j'y ai été par l'intermédiaire de la radio une fois, de toute manière, vous avez dû le savoir tous. Hein. Sur un bateau. Hein, donc on était sur un bateau et en fin de compte, c'est carrément impossible de pouvoir rencontrer quelqu'un là-haut. Il y a bien des gens qui t'ont rencontré, toi. Ouais, mais ça, c'est des auditeurs. Mais rencontrer des personnes du cinéma, je vais te dire une chose, avec les CRS qu'il y a là-bas, tu ne peux pas. C'est blindé de CRS tout le long. Ah, tu peux les voir quand même. Non. Non, mais tu vois que les CRS, même j'ai voulu monter les marches. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est toi. C'est parce que t'es un peu neuf. Non, mais justement, j'ai voulu carrément essayer. C'est parti. J'ai voulu monter les marches et faites-moi confiance que je peux vous garantir d'une chose, que c'était vraiment la catastrophe, pas possible. Pourquoi t'as pas réussi, tu boitais? Non, c'est pas ça, c'est qu'il y avait un cordon de CRS qui t'empêchait de monter, et de toute manière, dès par là où tu passais pour essayer d'essayer de voir une star de cinéma, de toute manière, tu pouvais pas faire le tour du palais sans rencontrer un CRS, c'était inadmissible. Avec que ça constamment. Okay. Gérard, okay. À la place de Grosse Palme que tu as viré, donc on a Monsieur Mazur qui est donc à Cannes, mais il est dans une soirée, donc il y a un peu de bruit, mais c'est pas grave. Bonsoir Monsieur Mazur. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Bonsoir, Monsieur Mazur. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme et Prince, vous vous calmez s'il vous plaît maintenant, d'accord? Il y a trop de stars, là. Oh, putain. Bonjour, Monsieur Gérard, c'est Monsieur Mazur. Ouais, Monsieur Mazur. Donc, alors, pour vous, la question, comme on n'a pas dû vous la poser à l'antenne, en antenne... Non, pas du tout. Pensez-vous rencontrer des stars du cinéma durant le festival? Et qui voulez-vous voir, par exemple? Bah, vous... Écoutez, moi j'aurais vraiment eu envie de voir Clark Gable, ou bien encore... vu qu'ils n'ont, d'après ce que j'ai entendu dire, ça peut venir. Mais effectivement, ici à Cannes, on peut rencontrer tout un tas de personnalités. J'ai rencontré ce célèbre acteur nommé Jean-Louis Jouy, que vous connaissez certainement. Non. Et... Pardon ? Non, non, je connais pas Jean-Louis Jouy. Ah, Jean-Louis Jouy, c'est un acteur très, très... Oh, bah écoutez, vous m'étonnez, parce que je suis sûr, n'est-ce pas, que les auditeurs et auditrices de votre radio connaissent parfaitement cet acteur, n'est-ce pas ? Bien sûr. Bon, enfin, c'est pas grave, monsieur Gérard. Jean-Louis Jouy, pour votre information, a joué dans de nombreux films de cap et d'épée durant les années 75 à 76 environ. Mmh. Avec Jean Marais. Exactement. Ah, je vois qu'il y a affaire à des connaisseurs. Ah, il y a des connaisseurs, effectivement. Prince, oui, bon, Prince. Monsieur Mazur, 5 minutes, oui, je continue de poser la question. Donc, Prince, pour toi. Bah, écoute, moi, j'espère bien rencontrer des stars à Cannes, hein, c'est un peu pour ça que j'y vais. Donc, si je peux rencontrer, je sais pas moi, René De Niro, par exemple, je sais qu'il doit faire un passage cette semaine. Mm-hmm. Je sais pas, qui s'adote Oxmo Pacino. Christine Deneuve, tout ça, je sais pas, voilà, par exemple. Par exemple, comment il s'appelle, Christian Clavio, c'est ça? Christian Clavier, ouais. Clavier, voilà. Jean-Claude Van Damme? Ouais, bah écoute, tu sais, moi, je vais pas vraiment dans le festival de Cannes même, moi, je vais plutôt festival des hauts-dehors, tu vois, pour rencontrer des femmes un peu plus intelligentes. Tu vois ce que Jean-Claude Van Damme? Oui, excuse-moi, j'ai une petite maladie qui me prend. Il rentre, j'ai pas... Ouais, non, mais ça commence à bien faire. C'est le PO qui remonte. Non, moi je prends pas de substantions. Je prends pas de substantions dopatives. Ouais. Mais tu comprends un peu ce que je veux dire, quoi. Ouais, que de la poudre, je sais. Ouais, c'est bon, là, tous les deux. Pardon. Vous me le calmez, lui. Hop, terminé pour lui, au revoir. Vous lui dites au revoir, parce que là... Tu vas pas virer Jean-Claude Van Damme, quand même. Si. C'est à chaque fois qu'il fait un grand écart, il rote, c'est pas de ça. Non, mais moi, je veux pas le savoir. Désolé. Valérie Lemerdier, t'as répondu, toi, à la question, je crois. Oui. Ouais, donc tout le monde a répondu. Donc, troisième question. Pensez-vous qu'un jour... Oui. Oh, ça bouge, hein. Est-ce qu'il peut mettre un petit peu de rap, le DJ de Monsieur Mazur? Monsieur Mazur. Oui, écoutez, Monsieur Mazur. Monsieur Gérard, je m'adresse au DJ. Voir. Mais non, c'était pas à toi, c'était au DJ. DJ, oh. Ah, écoutez, je ne comprends pas, parce que je lui ai pourtant demandé très poliment et il m'a torqué d'aller donc me faire sodomiser, n'est-ce pas? Je comprends absolument pas. Mais vous savez, ça c'est un peu les problèmes de Cannes et du festival, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les gens restent très grossiers malgré les oh là là, qui c'est qui commande le jeudi là? Aujourd'hui, je ne sais pas, je crois que c'est moi. Non. Pose la question alors, Charles. Vous voulez passer une commande? Allez, hop. J'ai bien une coupe, moi. Allez, hop. Non, attends, on a quelqu'un en direct de Cannes, tu vas pas... S'il vous plaît, une coupe. Attends, pour l'instant, Pilar, s'il te plaît. Tu gères, ok? T'es payé pour ça, feignant. Je veux bien, moi. Oui, vous voulez une coupe? Oui, s'il vous plaît. Garçon, s'il vous plaît, une coupe, s'il vous plaît. Oui. Désolé, il n'y a plus que des verres d'eau. Une cristalline, alors, hein, ça peut le faire. Oui, d'accord. Monsieur Gérard, voulez-vous quelque chose à boire, peut-être? Non, Gérard, il fait la gueule, monsieur Mazur. Ah, bon, c'est pas grave. Monsieur Gérard. Allez, Gérard, il est de Cannes, merde. Le micro standard! Mais non, mais c'est pour t'annoncer un nouvel auditeur. Pour l'instant, tu la fermes. Oui, bonsoir, c'est monsieur Mazur. Voilà, allez-y, monsieur Mazur. Vous voulez quoi, alors? Une coupe? J'aimerais mieux une petite flûte, mais... Voilà, je l'ai géré. Non, eh oh, doucement, oh. Mais comment veux-tu que j'annonce les auditeurs? C'est permets ta gueule, t'éteins ton micro. Bon, à la place de Jean-Claude Van Damme... Vas-y, annonce-moi un nom, bidon. Ton micro. Il y a Johnny. Ouais, bien sûr, Johnny Hallyday, c'est ça? Hallyday. Johnny. Ouais, Johnny Hallyday. Ouais, t'as raison. Putain. Tu sais parler français, toi, pétasse? Non. Pas d'insulte. Arrête d'insulter tout le monde, Gérard, ça sert à rien. Putain. Bonsoir, toute l'équipe de Foufoune Radio. Quand j'entends pas la musique qui me ça doit avoir des putes dans cette offre. Ah. Vas-y, j'ai le festival de Cannes. Bonsoir, oui. Johnny. Bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe. Est-ce que la Tchatcha est là? Non, que la Tchatcha, on a été cet après-midi au cratting de la Sierra, tu sais, pour faire du cratting à moteur. Que je l'ai perdu, qu'elle est tombée sur un route, que je l'ai ramassé, et qu'après... Ça y est, tu te tais, s'il te plaît, merci. Alors, pensez-vous qu'un jour, je sors au festival de Cannes dans un film? Il y a du Larsen. Bon, alors, maintenant, Manu, tu balances un disque et vous. Ah, mais non, pas maintenant, fais au moins la question, là, comme on a commencé ici, si, vas-y. Non, ils vont réfléchir à la question. Non, il y a 5 minutes, vas-y. Non, ils réfléchissent à la question, il n'y a pas que 5 minutes. Je vais poser ta question, je t'écoute, il n'y a pas de problème. Alors, pensez-vous qu'un jour je serai au festival de Cannes dans un film? Et on s'écoute. Ceci. Parce que là, au standard, vous commencez à me les gonfler. Avant le titre, c'est un remix de Sur Toi avec ceux qui portent ce titre-là. Les pornos amateurs avec Je vais te monter ma petite bobine de 8 mm et on se retrouve tout de suite après. Je vous préviens, le standard. Que ce soir, vous n'allez pas me casser les couilles. Et voilà, vous venez d'écouter les pornos amateurs avec Je vais te montrer ma petite bobine de 8 mm et donc on se retrouve pour la suite du débat du Festival de Cannes. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803-085000 ou Apolline et Fulda sont là pour vous accueillir. Et pour ça, on récupère Johnny. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc Monsieur Mazur est parti. En fait, à la place, on a Brigitte Bordeaux. Et elle va te dire d'où elle appelle et la fréquence. Ah, je connais bien Brigitte. Bon, Johnny, s'il te plaît, tu te calmes. Merci. Bonsoir, la fréquence. Gérard. Bonsoir, Johnny. Salut, Brigitte. La fréquence. J'appelle de la Madrague, 101.3. D'accord. Bonsoir. Et bonsoir, Prince. Oui, toujours là. Et Valérie bonsoir, de Merdier. Toujours là. Donc la question, vous l'avez très bien compris. Non. Alors, qui c'est qui vient de dire non? Moi, je ne l'ai pas entendu. Hein. Bon, alors, pour Brigitte, qui ne l'a pas entendu, parce qu'il y en a un qui est en train de me prendre pour un con, qui l'a très bien compris, la question. Donc, pensez-vous qu'un jour, je serai au Festival de Cannes dans un film? Voilà la question. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Te fous pas de ma gueule, Prince, parce que tout à l'heure, tu as dégagé aussi. J'ai vraiment oublié, sérieux. Hein. Ouais. Tout à l'heure, j'ai oublié que tout à l'heure, tu vas dégager. Yes. Alors, comme tu as une grande gueule, tu vas répondre. Ouais, écoute, moi, tout à fait. Je pense qu'une grande carrière cinématographique s'ouvre à toi. Je pense qu'il n'y a pas de limite à ton talent. Et je sais pas, je te verrai bien dans des films, je sais pas, moi, Le Schpoons, je sais pas si tu connais. Elephant Man aussi. Ouais, non, mais ça, je n'osais pas le dire parce qu'il va pas être d'accord. Non, mais il est d'accord. C'est... Ouais, non, mais c'est vrai. Bon, Elephant Man, il va pas tarder de passer sur les écrans de télé, justement. Bien. Non, mais ça c'est vrai. Bien. Un petit remake pour l'an 2000 de Elephant Man ou un truc comme ça, c'est vrai que ça pourrait. Non, être mais bien. il passe avant l'an 2000. Il va passer, je crois, c'est courant de cette semaine ou courant de la semaine prochaine. Je ne sais plus. Tu vas venir à la maison. Je vais l'enregistrer, je crois que... GG. Quoi? Ça te plairait de jouer, toi, dans la suite de la Guerre des Étoiles ou pas? Non. Parce que, tu sais, ils cherchent du monde, hein, pour les Wookiees, tout ça. Ouais, ben... Valérie Le Merdier. Oui, moi aussi, je pense qu'une grande carrière cinématographique t'attend. Notamment, je te verrais bien dans le film Astérix Obélix, avec ta belle moustache. Celui-là, il est déjà sorti il y a déjà longtemps. Il est fixe. Ah ouais? Bah, moi, c'est la première fois que j'écoute... C'est la première fois que t'écoutes, mais il fallait peut-être regarder de temps en temps un peu la télé, parce qu'ils en ont parlé assez souvent. Ah ouais, je sais pas, le remake de l'an 2000 aussi. Ouais, d'accord. Brigitte? Avec le corps de Sandy et ta tête. Pour l'instant, t'as envie de parler de trucs de Sandy. Oh? Il y a un mariage, hein, c'est pas grave. C'est où encore ce bordel? Ça commence à bien faire. Hein. Grâce. Brigitte. Oui, Gérard. Moi, je pense que je te vois plus dans des films américains. Alors, précise. Je te vois plus tourner aux États-Unis parce que je suis sûr que tu représentes le français. Et je suis sûr que tu aurais une grande carrière de français aux États-Unis. Non, mais précise. Bah, précise. Je te vois dans des films comme Eat My Tuna ou. tu vois, Fat Mayas ou des choses comme ça, quoi. C'est quoi ce film? C'est très intellectuel, mais je pense que ça s'attirait énormément. Bah, c'est ça. Johnny? Écoute, moi, je te verrais plutôt dans un film de Luc Besson. Parce que je sais que je te verrais bien tourner dans le cinquième excrément. Le cinquième élément. Qui sauve le monde de l'univers intergalactique. Le cinquième élément, pas le cinquième instrument, s'il te plaît. Excrément, Gérard. Élément, merci. C'est la super crotte, mais c'est une parodie de toute façon. Johnny, quand je dis c'est le cinquième élément, ok. Ouais, mais toi, pour toi, c'est le cinquième excrément, parce que tu es quand même. Bon, alors Johnny, au revoir. Par contre, Gérard, il paraît qu'ils vont refaire un truc, le grand bleu, mais avec des baleines, et il paraît que t'es dedans. Aussi, le blanc tout violet, ça s'appelle. C'est fendu, la baleine. Alors là, vous me virez. Ouais. Johnny et Valérie Lemerdier, je vais prendre ça. Hop, au revoir pour ces deux-là. Terminé. Et voilà. Gérard. Oui, Rigo. Sur IRC, il y a Yankee, il se demande si tu te rappelles de ta prestation dans Mêlée ouverte pour pilier à moustache. Non. Non, parce que je connais pas ce film-là. D'autres questions, non? Ben non. Bon alors, sondage. Savez-vous pourquoi ce festival se passe à Cannes? Ah ben non, ben c'est justement, je vais pas faire ce sondage-là, parce qu'en fin de compte, ça va être une question. Alors, donc il nous reste Prince et Brigitte, hein, c'est bien ça? Ouais. Oh, oui, c'est ça, il t'a répondu, Phil. Vas-y. Ouais, faudrait peut-être vous réveiller, ben François, vas-y. Là. Alors, faut savoir, tu ne dis pas au micro et quand on te répond et qu'on non, pas au micro, tu gueules aussi. Non, non, mais faudra peut-être savoir. Vas-y. Faudra peut-être savoir qui c'est qui me reste. Donc, alors maintenant, maniez-vous de trouver des personnes. À votre avis, Cannes est-elle la meilleure ville pour le festival? Alors, faites-moi confiance que ces questions-là, c'est pas moi qui les ai cherchées, c'est Phil Dard qui. C'est pour ça qu'elles sont bien. Attends, déjà, celle-là, pensez-vous que je tournerai dans un film pour le Festival de Cannes? Nul. À votre avis... C'était débat, hein. À votre avis, Cannes est-il la meilleure ville pour le festival? Attends, c'est tous les ans que c'est à Cannes, je vois pas le rapport avec ça. Mais est-ce que tu penses que toi, ça serait mieux dans une autre attends, ville? Attends, c'est attends, ça le rapport. Attends, réfléchis. Combien coûte l'entrée d'un festival de Cannes? C'est gratuit pour les gens. Alors non. Ta question? Non. Si. Non, c'est faux. C'est gratuit pour les personnalités, mais c'est payant pour les gens. Bah oui. Ouais, non, mais de toute manière, c'est uniquement des personnalités. Mais non, les gens qui sont en vacances, ils vont là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Tu dis non. Tu n'es même pas au courant de tout ça. T'as même pas révisé. Oh, écrasez-vous deux. Non. Écrasez un peu vous deux, là. C'est moche. Ben, si c'est moche, ben tiens. Fais-le, le débat. Fais pas chier. C'est vrai, je pense. Non, vas-y. Voilà. Vas-y, Gérard. Vous commencez à me casser les couilles, là, tous les deux. Ton micro. Comment ça me casser les couilles, hein, les deux bandes de PD, là. GG, à la place de Johnny, qu'on a viré, on accueille Rocky Siffredo, de Cannes. Bien fait. Et il a 30 ans et c'est 95 FM. Alors Cannes, 95 FM, ouais. Ah, bonsoir Gerardo, comment tu vas? Du calme. Et puis tu choses de combien, mon ami? Oh, on se calme, merci. Et puis on accueille aussi Yasmine Beat. Quoi? Bonsoir. 18 ans de Créteil. Bonsoir. Yasmine. Toi, une grosse chata. Si. Oh, un maillot de main rouge. Vous me le calmez celui-là parce que. Alors Yasmine. Oui. Marocque, j'ai un vieux dindon si tu veux. Alors Yasmine Bid, région parisienne, donc 101.9. Merci. Ouais, merci de me préciser les fréquences. Alors à votre avis, quelle est-elle la meilleure ville pour le festival, donc pour vous? Alors Yasmine. Non, je pense pas. Alors tu peux préciser? Je pense qu'à Créteil, ça serait beaucoup mieux. Bon, attends, déjà. Si, c'est vrai. Non, mais attends, déjà, faut bien se dire une chose, que la région parisienne n'est pas capable d'accueillir tous les gens. Bah, ils sont au Festival de Cannes. Parce que il y a beaucoup de gens du cinéma. Il y a beaucoup de gens du cinéma. Il y a beaucoup de producteurs. Il y a beaucoup de réalisateurs. Et donc, alors, il y a pas mal d'hôtels sur Créteil. Il y a le Maladin. Il y a plein d'hôtels, hein. Yasmine. Oui. Un conseil que je te donne. Tu t'amuses pas à donner des noms d'hôtels parce que tout à l'heure, tu as gerbé. Ok, excuse-moi. Oui. D'accord. Je te demande, à votre avis, Cannes était la meilleure ville pour le festival? Je te demande pas autre chose sur Créteil ou ailleurs, d'accord? Ok. Ben, je t'ai répondu. Hein. J'aimerais bien que le festival de Cannes se passe à Créteil. D'accord, ben, pour ça, je sais pas qui c'est qui t'a sélectionné, mais si c'est pour répondre à des questions, si c'est pour pas répondre aux questions que je te pose, Gérard, elle a exactement répondu. Ouais. Elle a répondu, c'est que t'aimes pas sa réponse, et bah, c'est tout. Ouais, Prince, bah, écoute, dans la région parisienne. Bien sûr, parce que ça fait partir du 9-4. Bah, oui. C'est pour ça. Et alors, elle a répondu à ta question. Prince. Ouais, je te disais, en région parisienne, c'est chaud pour les bateaux, comme je te disais tout à l'heure, parce que il faut bien mettre les bateaux quelque part. Les mecs sont milliardaires, ils arrivent avec des yachts de 40 mètres. On en a rien à foutre de Créteil, d'accord? Non, mais c'est vrai que dans le 9-4, ça pourrait être pas mal, GG. Non, mais pour dire une chose, qu'à Cannes, il y a quand même un port, et là, il y a tous les bateaux des acteurs de cinéma. Il y a deux ans, quand j'y étais, je peux vous dire une chose, qu'on était à côté du bateau de David Charvet. Oh là là! Il se le connaît bien, David Charvet. Il l'a tapé, non? Non, mais on était à côté du bateau de David Charvet. Comment? Une tarlouse. Ouais, c'est une tarlouse, c'est pour ça qu'il fait des films corrects. Brigitte. Oui, Gérard. Alors, moi, je voudrais pas dire que la question de Fildar est conne, mais elle est un peu conne quand même, parce que ça se passera à Saint-Tropez, ça s'appellerait le festival de Saint-Tropez. Bah oui, admettons que ça se passe sur la Canebière, ça s'appellerait le festival de Marseille. Hein? Donc voilà le rapport. Donc pour à votre avis, Cannes est-elle la meilleure ville? D'accord, c'est vrai que Cannes a plus les moyens de par rapport aux hôtels. Bah, c'est la plus grande ville de France. C'est la ville qui peut accueillir plus de monde parce qu'ils ont plus d'hôtels que nous en région parisienne. Ça c'est vrai. C'est clair. Ils sont premiers sur les grands pays en plus. Non mais faut voir quand même les hôtels qu'ils ont. Hein. Ouais, parce que je veux pas citer, mais quand j'ai fait un micro HS. Un micro là-bas, un micro dans la rue. Un micro hors service, oui. Faites-moi confiance que quand on m'a dit d'aller dans un hôtel, je vais vous dire une chose, que l'hôtel, c'était un hôtel 4 étoiles, voire plus. Ouais. Mais C'était pas le Martinez? Non, c'était pas le Martinez, c'était le... Rodriguez. Non plus. Non, pas de nom. Rodriguez. Non plus. Donc pour toi, Brigitte, donc la question... Bah ouais, voilà. Ouais, donc, à ton avis, que ce soit Cannes, Marseille, Nice... Toulouse, enfin, tu vois, quoi. Ouais, tous les alentours. 9-4, ça marche, ouais. Rocky? Bah, tu sais, moi, il fait des films un peu plus sexo que les films traditionnels, tu vois. Donc, moi, je pense que capitaliste, c'est un peu plus pratique. Vous avez fait comprendre les questions qu'on lui posait à cet auditeur? Bah oui, si, complet. Tu veux dire... Où pourrait se passer le festival de Cannes, c'est ça? Oui. À votre avis, Cannes est-elle la meilleure ville pour les festivals? Non, moi je pense plutôt que ça serait à Milan en Italie, tu vois, parce que les filles avec la grosse chatte, tu vois, elles sont beaucoup plus mignonnes, tu comprends? Oui. D'accord, j'ai compris ta question. Sur IRC, ils parlent tous de tes prestations dans tes films, donc on va peut-être pas en parler. Mais sinon, il y a Turpentine, elle te demande si c'est vrai que tu vas jouer dans Alien 5, la menace vient du coup. Non. Ouais, là, va se faire foutre. Elle est bientôt annihilée, hein, la menace. Enfin, quand même, sur IRC, ils te félicitent pour ta prestation dans les Goonies. Non plus. Et tu t'appelais Sinoc. Ouais, ben, ils vont se faire foutre. T'es gentil aussi, hein, Sinoc. Ouais, mais bon, donc, savez-vous pourquoi ce festival se passe à Cannes? Alors, ouais, moi, je sais. Ouais, je sais, l'instant, moi. Ah, c'est pas moi que tu parlais, pardon. Tu t'écrases. Vas-y, Zincou. Donc. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu mais dis non, pas son nom, t'as dit son nom. Mais c'est pas son nom. Tu viens de dire mon nom. Mais c'est pas mon nom. Tu viens de dire mon nom. Mais non. C'est une expression. Tu viens de dire mon nom. C'est refrain, c'est frère, c'est frérot. Tu viens de dire mon nom. Mais non. Mais t'es fou. Vas-y. C'est rien, c'est une expression. Vas-y, refrain. C'est pareil. Fais gaffe. Vas-y. Ouais, fais gaffe à toi. T'es violent quand même, Gérard. Toi, fais gaffe parce que tu risques d'en prendre autant. Alors, un conseil que je te donne, écrase-la, pour l'instant. C'était mal barré dans l'équipe. Okay. Alors, 36% pensent que c'est à cause des garçons. Bon, ça c'est bien sûr une question con. Ça m'étonnerait pas que ça soit. Il y a Pauline qui aurait été me chercher une question bidon. 29% pensent que c'est la logique qu'il le veut. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Et 11% pensent que le festival, c'est comme moi, ça ni queue ni tête. Alors là, ce sondage-là... Ça doit être Turpentine qui l'a fait. Ouais, et ben... Toi, tu la fermes pour l'instant. Quand je t'appellerai Cochon, tu sortiras sous le standard, d'accord? Oh. Alors, qui sera, d'après vous, le parrain de la cérémonie d'ouverture? La cabine. Qui c'est? Yes. Qui c'est là qu'on a pu? Je sais pas. La cabine. Bon, Apolline. La cabine. Apolline. C'est Rocco, on le rappelle. C'est Rocky, pardon. L'italien. Je vais prendre l'air 5 minutes. Non, mais tu reviens plus du tout, tu peux prendre tes affaires. Tu te mets devant ton micro, Gérard, s'il te plaît. Ouais. Apolline, c'est terminé, tu prends tes affaires, tu... Hop, t'es viré jusqu'à la fin de l'émission. C'est-à-dire jusqu'à 3h du matin. T'as tenu 3 quarts d'heure quand même, c'est pas mal. Terminé. Ça faisait déjà le deuxième, et là ça fait 3, donc terminé pour toi. Au revoir, je ne veux plus te voir. Tes copines. Voilà. Alors, qui sera d'après vous le parrain de la cérémonie d'ouverture? Donc, on va demander ça à Brigitte. Cette année ou l'année prochaine? Non, cette année, hein. On parle de cette année, hein. Je sais pas, j'ai aperçu Ollie Hunter, mais je sais pas si... Non, c'est Ophélie Winter, tu veux dire? Non. Non, ouais, mais justement, le nom de la personne qui est parrain, c'est même, je crois que c'est une nana, et malheureusement, j'ai pas son nom en tête, mais c'est pas un nom français, hein. C'est peut-être Ollie Hunter ou c'est Jeff Goldblum, mais je suis pas sûr. Non, c'est Kevin Costner. Ouais, voilà. Kevin Costner. Ouais, c'est lui le. C'est qui, Jean? C'est qui? Kevin Costner. Comment? Kevin Costner. Kevin Costner, Rigo. Ouais, ah, ok, ouais. Donc, Brigitte. Oui, je te. Ah, bah, ça y est, tu viens de le dire. Bah, de toute manière, Prince va me dire pareil. Ouais, bah, ouais, c'est vrai qu'il y a lui, mais il y a d'autres gens aussi avec. Je sais pas, il y a qui? Non, mais attends, Annie qui? Gérardo aussi, je crois. Non. Le parrain de la cérémonie d'ouverture. Pas la marraine. Al Capone. Le parrain de la cérémonie d'ouverture et qui fera la clôture du festival de Cannes. C'est vrai, il a fait le grillage? Ouais, mais il y a. Il y a d'autres gens avec lui, GG. Il y a d'autres gens. Ouais, mais d'accord, il y a. Il y a ça devant, tu vois. Non, mais il y a Annie Gérardo. Ouais, mais ça, c'est tout. Arletti. Non, Arletti, elle est plus de ce monde. Pardon, il y a Bernard Ménez. Non. Barry Cole. Non. Bon, attends, c'est... Donc, c'est qui le cette année? C'est Kevin Costner. Kevin Costner. Voilà. Yasmine. Mais il fait pas de film cette année. Bah ouais, en plus. Si. Non. Il a fait quoi? Il y a un petit nouveau, il s'appelle Jean Valjean. Voilà. Hein? Ouais. Julien Sorel aussi, mais il n'est pas très connu, lui. Et ils ne sont pas très connus encore, mais bref. Non, mais de toute manière, je vous le dirai dimanche en détail, vraiment, le parrain. C'est quand? C'est ce soir, le débat sur le festival, ou c'est dimanche? Non, mais je donnerai le nom du parrain, c'est tout. C'est trop tard, fallait bosser. Yasmine. Il fallait bosser avant, mon grand. Yasmine. Jean Valjean. Ah bah d'accord. C'est pas un débat sur la littérature là. Non, je pense pas. Hein. Donc, de toute manière, je pense que c'est Kevin Costner ou je sais plus qui. Ah, il parle bondou, Gérard. Ah. C'est Rocky. Il est revenu, lui? Ah, mais c'est Rocky. Moi, je crois que c'est Marc Dorcel, non? Je le connais bien, celui-là. Non. Marc Dorcel, ouais. Si. Et Cadino aussi. Bon, sixième question. Sixième question avant la pause musicale. Encore? Encore. Oh bah non. Encore, il fait pipi. Alors, pensez-vous que toutes les actrices présentes au Festival de Cannes couchent pour y aller? Alors là, répondez, allez-y. Attends, pour l'instant, t'éteins ton micro. Attendez, Rocky. Oui. Rocky, Brigitte, Prince et Yasmine, ouais. Ne me demandez pas. D'où sort cette question? Parce que vous savez très bien. De ton anus. Non. C'est une question Fildar. Ah, une bonne question. Hein. Ouais. Non, mais alors, moi, je vais vous dire une chose. C'est grave. Une question comme ça. Pensez-vous que les actrices présentes au Festival de Cannes couchent pour y aller? Je crois qu'il faut complètement se starber pour poser des questions comme ça. Alors, moi, cette question. Alors, on la pose pas, allez. Hop. Et voilà, on passe à la suivante et on se dépêche. Allez, on se dépêche. Alors, voilà, celle-là sera mieux. Alors, attendez-vous devant les hôtels, votre acteur du festival, si oui, sinon, pourquoi? Alors, Yasmine. Mille fois mieux. Yasmine. Ouais. Ah, c'est de la question. Non, parce que, ouais, c'est une bonne question. Donc, vas-y, la précise. Cochon, Prince! Mais l'histoire des nanas cochonnes, c'était mieux quand même. Prince! Sinclair, le Zalawai, tout ça, là. Prince et Rocky, vous la fermez, s'il vous plaît, merci. Ouais. Donc, ouais, j'attends devant les hôtels que la star descend. Ouais. Et je voulais dire aussi que ouais, j'ai vu plein de stars quand j'ai attendu devant l'hôtel. Je sais plus comment il s'appelle, de toute façon, on n'a pas le droit de le dire. Ouais, ben ouais. Rodriguez. Et faut que je précise que. Bravo, Fildar. Bravo Fildar pour balancer les noms d'hôtels à l'antenne. C'est bien. Il a dit le Rodriguez. Bravo Gérard. Bravo, balancer les noms à l'antenne. Bravo. Eh, tu t'en prends pour un abruti, c'est lui qui a commencé le premier. Ok. Bravo. Ouais, donc je réponds. Ouais. Donc j'ai attendu peut-être 5 heures et tu sais ce que j'ai vu? Qui? Les CRS. Eh ben oui, ben ça pour bien se dire une chose. Attends, je vais répondre après toi. Prince. Ouais, bah écoute, effectivement, moi j'attends les cochons parce que moi j'aime les actrices de films X. Donc, voilà. Prince, je te demande vos acteurs, je te demande pas. Bah, je vais avoir mes acteurs préférés parce qu'il y a les Gottes d'or, donc j'en profite. Ah, je les attends toujours devant l'hôtel pour savoir s'ils peuvent me dédicacer un t-shirt, un truc comme ça, tu vois. Pourquoi pas te dédicacer une claque dans ta gueule aussi? Mais pourquoi pas? C'est toi qui as cassé l'or Sinclair l'an 2? Ouais. Rocky et Prince, au revoir. Tu peux leur dire au revoir. Au revoir. Gérard. Et oui. Attention, Gérard. Attends, finis la question. Non, non, mais c'est bon. On va demander à Brigitte qui répond après. Ah, déjà sur IRC, il y a le Baron. Il voulait savoir que parce que le premier prix c'est la Palme d'Or, mais est-ce que les autres prix ce serait le Tuba d'Or ou le Masque d'Or? Non. Après c'est la Palme d'Or. Je crois que c'est. Je sais même plus comment que ça s'appelle, les autres prix derrière. Je crois que... Je peux pas y répondre, mais les tubas, n'y est. Hein. Et sinon, Yasnouz, il voulait savoir si on te propose de participer à un film, est-ce que tu accepterais? Ça dépend dans quelles conditions que c'est. Et dans quel film tu dirais oui? Non, mais ça dépend des conditions. Mais c'est quoi les conditions? Ça dépend des conditions, c'est tout. C'est quoi les conditions pour toi? Question... C'est des positions, tout ça? Non, question contrat et vis-à-vis de la monnaie qui sera en échange. Une autre question, non? Ah non, il te propose de jouer dans « Viens me bourrer le fion ». Non, là, c'est même pas la peine que j'y réponde. Il y a Figeau qui te propose le rôle d'un orphelin. Tu le vires tout de suite. Ok, je le vire. Tu lui dis au revoir et c'est terminé. Brigitte. Oui, Gérard. Manu, mais quoi? Mais arrête, t'es fou. Mais t'es ouf, hein? Ouais. Je vais te faire voir si tu vas te marrer sur ce que Figeau a dit, espèce de petit con. Mais je rigolais pas pour ça. Non, à peine. Mais t'es malade, hein. Allez, vas-y, reprends. Brigitte. Oui, Gérard. Moi, je rentre carrément dans les hôtels pour aller voir mes stars. Non, mais attends, déjà, est-ce que tu attends déjà pour y aller ou pas? Ah non, moi, je rentre carrément dedans. Hein. Non, mais moi, je peux te dire une chose que... Il y a des CRS. Là, déjà pour commencer, les stars, quand elles rentrent pour se coucher, faites-moi confiance. Et ça, je l'ai vécu. Non, ils sont accompagnés, donc... Avec des putes, ouais, c'est vrai. Ouais, mais qui c'est qu'il y a, là? Qui c'est qu'il y a? C'est Robert, je suis un nouveau, là. Attends, Robert. Attends, c'est qui, là, cet auditeur? C'est Robert l'amoureuse. C'est bizarre parce que je l'ai pas annoncé, j'ai pas eu le temps, excuse-moi. Excuse-moi, Gérard. Il allait le faire. Ouais, juste au moment où je l'ai mis en air, il a parlé, j'ai pas eu le temps. Fréquence, s'il te plaît, Robert l'amoureuse. 93.7 à Poitiers. Voilà. 93.7, ok. Ouais. Et j'en ai un autre qui arrive là, je te préviens, mais je l'ai pas encore, donc je te le dis. Alors, il me reste Brigitte. Donc, il va arriver dans 2-3 minutes. Hein. Donc, alors. 2-3. Dans. Si Robert, ça sonne. Robert, tout de suite. Donc, pourquoi? Si c'est occupé. Oh! Je dis ce qui se passe. Mais j'en ai rien à foutre, moi, de ce que tu me dis, ce qui se passe au standard. Je m'en bats les couilles. Non, mais sur IRC, ça les intéresse. Comment on fait? 101.3 qui me reste et 101.9, Yasmine. Donc, Robert. Ouais, bah écoute, moi je voulais te dire que moi j'ai des plans pour rentrer dans les hôtels parce que je connais du monde un peu quand même. Deux, trois grooms, donc ouais. Ça me permet d'approcher un peu plus, tu sais comment ça se passe, on glisse un petit billet et puis les portes s'ouvrent. Tu peux peut-être glisser autre chose qu'un billet aussi. Ah, mais des fois on glisse beaucoup plus qu'un billet, moi j'ai une énorme liasse s'il y a des gens intéressés. Hein. Mm-hmm. J'ai un gros portefeuille. Ça tombe bien. Moi, je peux vous dire une chose que... une petite carte de crédit, Robert, s'il te plaît. Oui. Donc, il a découvert, alors. Oh! Je réponds, merci. Oui. Donc, j'ai eu l'occasion d'aller à Cannes en 97, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et faites-moi confiance que pour s'approcher, pour voir des acteurs de cinéma et tout ça, je peux vous dire à 100%, c'est impossible. Faut connaître du monde, faut connaître. Non, du non, monde. Mais même, t'as pas besoin de connaître. De toute manière, c'est impossible parce que déjà, ils sont déjà dans des voitures avec des gardes du corps. Mm-hmm. Dès qu'ils sortent, ils ont les gardes du corps qui les accompagnent jusqu'à l'entrée. Je vais te dire une chose, que c'est même pas possible de leur demander un autographe. Il suffit d'être garde du corps alors, pour les approcher. Ouais, mais c'est pas évident. Bah si. Si tu connais quelqu'un dans l'hôtel, tu peux rentrer dans l'hôtel. Non, ouais, mais d'accord, là. Mais il faut se dire une chose, que le mec, il rentre quand même avec ses gardes du corps, parce que moi, j'ai vu un reportage ce soir. Non, mais attends, il faut quand même pas être con. Tu lui amènes le petit-déj. Non, mais là, faut quand même pas être con, parce qu'il faut se dire une chose, que même avec les gardes du corps, tu y arriveras pas comme ça, hein. C'est pas parce qu'il a des gardes du corps que tu peux pas le voir. IRC en priorité. Non, mais il y a un auditeur. La priorité, c'est les auditeurs. On s'en a branlé, IRC. Allez. IRC, on s'en branle. C'est clair. Je m'en branle si je veux, d'accord. Okay. Alors tu fais j'éjacule dessus même. J'éjacule sur IRC. Bon appétit. Bon, alors c'est Emilien Mauresmo, 24 ans de Paris. Bonsoir, Emilien. Bonsoir. Bonsoir Emilien. Bonsoir à tous. Pildar, c'est la dernière fois que tu t'amuses à me parler sur ce ton-là. Sinon, tu fais comme Apolline, tu vas rejoindre ta cochonne. Ok. Je suis une femme. D'accord. Maintenant, Rigaud va répondre. Et si c'est moi qui demande à Rigaud de poser les questions sur RC, c'est lui qui commande, d'accord. Vas-y, maintenant, continue. Tu fermes ta gueule. Clair, net et précis. Alors Rigaud, donc si tu peux récupérer la question, vu que t'as été coupé. Ouais, je peux, y a pas de problème. C'est Shkoumoun sur l'IRC, il demande si tu sais quand aura lieu le festival des connes, parce qu'il est sûr que la Palme d'Or, tu la connais très bien. Je pense pas qu'il y aura pas des festivals là-dessus, donc je vois pas le rapport avec le festival de Cannes. D'autres questions? Ah bah ouais, je peux t'en trouver des millions. Hein. Allez. Non. Ok. Emilien, donc pour toi. Oui, est-ce que tu peux me répéter la question, s'il te plaît? Punaise, mais Fildar, quand tu attends pour les hôtels pour voir des stars. Hein. Voilà. Oui, en fait, là, je suis à Cannes, ça tombe très bien ta question. Ah ouais, t'es à Cannes, tu te fous de ma gueule, t'appelles de Paris, t'es à Cannes. Non, il appelle pas de Paris, il est de Paris. Non, mais attends. Alors, il est de Paris, Non, alors dans ce cas-là, il me l'avait pas dit. Non. Dans ce cas-là, tu me donnes la fréquence de Cannes. C'est 95 FM. Alors, tu me donnes pas la fréquence de Paris, ok? 95 FM. Manu. Oui, je sais. Non, c'est pas Manu, c'est Pildar. Filou. Alors, Emilien. Ouais, donc là, je suis à un hôtel, donc je préciserai pas le nom. Mmh. Et j'ai attendu toute la soirée Laetitia Casta. Ouais. Tu dois connaître la menace, là. Non, mais est-ce qu'elle y est cette année? Ça m'étonnerait. Ouais, elle y est, parce que... Si. Elle est pas aux Bolognaises, hein. Robert. Ah non, mais c'est pour lui, c'est pour... Robert. Oui. Tu te tais, s'il te plaît. Okay. Essaye de faire un débat sérieux. Okay. Donc, Emilien, donc toi, tu voulais rencontrer Virginie... Virginie Lemoine. Non, Laetitia Casta. Non, Virginie Lemoine. Non, tu viens de nous dire... Laetitia Casta, oui. Bon, c'est vrai qu'elle y est. Oui, elle y est pour le remake kurde de Astérix et Obélix. Et en fait, je l'attends et puis elle vient pas, quoi. Ah ouais, je vois. Non, mais je crois qu'il n'est pas en compétition cette année, ce Puy de Malon Festival. Il est en compétition. Ouais, il est en ouverture. Non. Si. Non, en ouverture. Non, en ouverture, c'était pas ce film-là, parce que Non, attendez. Oh. Non, je peux vous le dire, c'était pas ce film-là qui était en ouverture, c'était un film avec Catherine Deneuve. Ouais, elle joue dedans aussi. Non. C'est pas Laura Mix. Non, Catherine Deneuve, elle a jamais joué dedans. Alors, Emilien, ou tu t'arrêtes de dire des conneries, ou sinon tu vas gerber. Arrête de raconter tes salades grillées. D'accord. Alors, le disque suivant, c'est... Pas tout de suite, encore une question. Toi, tu réponds jamais aux questions, et toi, tu réponds pas à la question. Réponds-toi. De toute manière, j'ai déjà répondu, moi, plusieurs fois à cette question-là. J'ai dit que j'y avais été, qu'on s'était fait rejeter, c'est tout. Donc, t'avais fait le petit gru pour voir des stars ou pas? Mais attends, le pied de grue, toi, tu fais bien le con là, avec ton truc là. Espèce de petit con. Hein. Le pied de grue, alors tu l'as fait ou pas? Et ta sœur, elle appelle la chèvre? L'Indochine, non. Elle appelle la chèvre. Insulte, hein. Elle appelle la chèvre pour faire du fromage? Non. D'accord. Alors maintenant, tu t'écrases. Gérard, j'ai une petite blague. Non, elle est pas. Non, mais deux secondes, tu sais. Écoute, allez. Tu sais la différence entre 2 minutes de sexe et 2 minutes de ping-pong? Tu sais. Mais tais-toi, réponds. Ta gueule. Mais réponds. Ta gueule, c'est pas toi qui me commandes, d'accord? Est-ce que tu sais la différence entre 2 minutes de sexe et 2 minutes de ping-pong? Oui ou non? Ta gueule. Bon, bah, t'as 2 minutes, là? Où aimeriez-vous voir un festival? Alors, 64% des gens ne veulent pas un près de chez eux. On vole près un. Quoi? 64% des gens en volent un près de chez eux. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, enfin, bref. 34% des gens en volent dans une usine où on attire les mouches. Ouais, ouais. Bah, c'est bien. Ouais. 10% des gens aimeraient que ça se fasse. Que je fasse mon festival, eh ben, ouais, ça serait bien ça, le festival de Gérard. Ouais, le festival de Gérard. J'appelle tous les avec jeudis mon festival. Des pistes d'or et des broches en or. 8e question, et on va se passer un disque parce que je vais prendre un peu d'air parce que ça commence à. Là, c'est vrai que tu commences un peu du slip. Ouais, c'est clair. Peut-on dire non à une star du festival de Cannes qui n'est pas en smoking? On se retrouve après et on va s'écouter pour ça. Les fourbons avec flip-flap dans mes fesses, c'est mieux que du beurre. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite et point du débat sur le Festival de Cannes. Tout de suite. Vous venez d'écouter les fourbons avec flip-flap dans mes fesses, c'est mieux qu'avec du beurre, c'est bien le titre. Et puis là, donc donc vous êtes toujours sur Fun Radio 101.9 et puis sur Région Parisienne. Voilà. Donc c'est la suite et fin du débat du Festival de Cannes. Donc la 8e question. Gérard, juste avant que tu reprennes ta question, il y a TS4 sur IRC. Il dit Gérard est à Fun, ce que Laetitia Casta est à Cannes, une pouf qui sert à rien. J'ai pas encore changé de sexe, hein. Nuance, donc faudra pas qu'elle compare. Alors pour ça on récupère Robert. Oui, bien sûr. Rebonsoir, ouais, Brigitte. Bonsoir. Rebonsoir à toi. Yasmine. Yasmine Bitt. Rebonsoir. Et Emilien pour finir. Emilien Boris, salut. Voilà, non mais de toute manière je donne les noms comme ça, je donne pas les. C'est pas leur nom, c'est un prénom composé. Ouais, c'est comme Jean-Gilles ou Pierre-Alain. Alors, donc voilà. peut-on dire non à une star du Festival de Cannes qui n'est pas en smoking? Et pour ça on va demander à Emilien. Peut-on dire non à une star en smoking? Non, peut-on dire non à une star du Festival de Cannes qui n'est pas en smoking? Ah ouais. Par exemple, regarde, je prends un principe. Par exemple, moi j'y vais. En jean basket et t-shirt, est-ce que je serais apprécié ou pas? Non, c'est le tenue de smoking est obligatoire. Hein. Voilà. Ouais. Donc, voilà, j'ai répondu. Ouais. De manière, c'est ce que j'allais vous préciser. Hein. Je suis en train de durer, comment je kiffe. Non, mais de manière, c'est ce que j'attendais, parce que les gens du Festival de Cannes, de toute manière, automatiquement, sont obligés d'avoir un smoking. D'ailleurs, pour approfondir, toi qui connais un petit peu donc tout ça, en smoking, qu'est-ce que tu conseilles aux gens d'acheter? Plutôt smoking classique, que de pie, je sais pas quoi, un GG Armani, qu'est-ce qu'il faut acheter? Pour aller où? Ben pour aller au Festival de Cannes. Non mais ça, attends, parce que déjà, faut se dire une chose, que c'est déjà prévu bien longtemps à l'avance. C'est déjà prévu bien facilement un an avant. C'est des couturiers qui préparent déjà les collections et qui les présentent, même les colliers que les nanas portent. Et cette année, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez vu l'ouverture, il y a un problème, qui me semble bizarre cette année, c'est comment que ça se fait que toutes les nanas sont avec des robes roses. Comme par hasard. Gwyneth Paltrow qui a lancé la mode aux États-Unis pour les Oscars. Ouais. Non, mais c'est bizarre parce que cette année, l'année dernière, c'était des robes que les actrices avaient, elles, dans leur garde-robe et qu'ils ont fait voir quand. quand ça a commencé. Et là, cette année, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment que ça se fait qu'elles sont toutes habillées en rose. C'est Gwyneth Paltrow qui a lancé la mode. Ouais, et après, elle copie toutes. Non, mais c'est vrai que le smoking est exigé, même la robe de soirée est exigée. Tu verras jamais un blaireau monter en short et en tongue. Hein. Ouais, mais ça, je suis d'accord avec toi. C'est Emilien qui vient de dire ça. Ouais, tout à fait. Robert. C'est plutôt cravate ou nœud papillon? Toi qui connais un peu. Non, alors, je crois que maintenant tu peux très bien même smoking, ça veut dire bien le pantalon, la veste noire, le ouais. petit débardeur noir, chemise blanche, cravate ou nœud papillon, ça dépend. Hein. Ouais, et moi, je ne tape quand même. Attends, parce que moi j'ai un pote ouais. qui est une jeune star qui va bientôt faire de la télé, tout ça, plein de trucs, mm-hmm. et il adore les chemises à jabot. Est-ce que tu crois qu'avec une chemise à jabot, il pourrait rentrer? C'est quoi ça? C'est le truc avec les froufrous là, avec la dentelle, tout ça. Non, je pense pas. Ça, c'est une horreur. Hein. Ces chemises-là, c'est une horreur. Non, c'est vraiment. Là, ça m'étonne. Non, ça m'étonnerait. Brigitte, alors donc, pour toi? Bah, moi, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, quoi. Mm-hmm. C'est smoking obligatoire et robe de soirée obligatoire. Mm-hmm. Il y a une couleur qui est prédestinée. Qui est décidé avant le festival, et cette année, c'est tombé sur le rose. Donc c'est pour ça qu'elles sont toutes habillées en rose. Qu'est-ce que tu penses que ça va être la tendance fashion de ce festival? Là, je vais te dire une chose. Pour l'instant, je peux pas avoir les films, parce que j'ai pas Canal+. Rien à voir. c'est dommage, tu rates le foot aussi, alors. Non. Ah ouais, tu rates le foot et les pornos, alors. Film de boule. Ouais. Non, mais ça, j'en ai rien à foutre. Yasmine, c'est pourquoi long doute, l'éclipse. Ouais, bah moi, je suis d'accord avec tout le monde. Ouais, je suis d'accord avec tout le monde. Par contre, je voulais vous informer, parce que j'ai des petites infos. Ouais. Et l'année prochaine, la tendance du smoking sera rose pour les garçons. Yasmine, attendez. Yasmine. Oui. Déjà, faudrait déjà trouver un couturier qui s'amuse à sortir des smoking roses. Cette année. On n'a pas l'occasion. Non, mais cette année, on n'a pas l'occasion d'aller à Cannes comme. Si, il y a mon cousin qui descend en caravane, si tu veux, il peut te déposer. Ton cousin, je l'emmerde. Et toi aussi, connard. Il y a mon zincou qui descend. Tu veux? Bon, des poules, ton cousin. Descend en caravane. C'est un voleur de poules. Ah, il joue aux fléchettes avec son stylo sur fil. Oh putain, c'est une grosse manouche, donc ils vont peut-être pouvoir s'entendre, non? Un stylo à 20 kilos, là. Ouais, ça fait mal. Ouais, c'est clair. Une vraie c'est fléchette. Clair, je t'ai sauvé la vie, Phil. Une vraie fléchette, le truc. Ah bah oui, tu m'étonnes, il est en plomb. Donc, Robert, pour. Oui, Gérard, c'est Thierry. Thierry de la Sécu, tu te souviens? Le beau blanc qui est à l'accueil. Ben dis-moi, je tiens un truc. Robert, conclusion du débat. C'est super positif. Hein. Moi, j'aime bien quand tu fais des débats sur la pointe verte. J'aime aussi quand tu parles des animaux, hein, des autres pâques et tout ça. J'en connais. Et au fait, attends, il t'écoute pas, il t'écoute pas. Tu m'en laisses enculé. Que je me dégorge le poireau. Robert, conclusion. Robert, conclusion. Ça y est, je suis revenu. Il s'est pas vu dessus. Robert, conclusion du débat. Dis un cochon. Robert, conclusion du débat. Bon. Robert, conclusion du débat. On va y arriver, t'inquiète. Donc, je te disais, ouais, le festival Bernard, de Cannes. Bernard, c'est vrai que t'es passé sur Skyrock. Hein. Allez, c'est reparti. Vas-y, balance, t'es la sauce, vas-y. Bah vas-y, Robert, merde. Alors, je te disais, le festival de Cannes, bien. Les Cannes, t'as fait une fixation, mais il n'y a pas que les Cannes, il y a aussi les dindons. Moi, quand tu veux, je te bouffe ton dindon, hein, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah, Robert, au revoir pour toi. Avec ta gueule de vilain petit canard, quand même. Au revoir, ta conclusion, elle est con. Brigitte. Bah moi, je trouvais que sa conclusion était bien. Et sinon, je voulais revenir sur les questions de Fildar. Plutôt que de gueuler après, t'as qu'à aller faire toi-même, connard. Ah bah, t'es enculé, salope. Arrête d'être vulgaire, Gérard. C'est déplaisant, Yasmine. Alors, Yasmine, vite. Je voulais dire un truc, c'est que t'as tellement de pellicules qu'on dirait le Festival de Cannes. Ouais, c'est pas mal. Waouh, à ce temps-là, c'est quoi ton truc sur internet? Attends, Emilien. Attends. Vas-y, continue. Ouais, t'as compris au moins? Vas-y. Non, mon gros connard. Sinon, c'était de la grosse merde et j'ai toujours pas compris c'était quoi le Festival de Cannes. Alors, je vais te dire une chose, tu ferais mieux d'aller regarder Alerte à mes débuts avec David Hasselhoff, espèce de pièce. Avec qui? Va rejoindre David Hasselhoff. Ouais, c'est ça. Hein, espèce de salope. Lui, il a pas de putain, mais t'as pas besoin de l'insulter, de la traiter de salope. C'est vrai, hein. En plus, deux poupias à l'antenne, c'est bien. Et Emilien, pour terminer, conclusion. Ouais. J'ai été un petit peu vulgaire là, avec toi, je trouve. Non, mais ça m'aurait étonné. C'est... Non, mais attends, Emilien. Ouais. Manière, c'est de la faute de Fildar, oui, il a pu ça 205, il ferait mieux de retrouver sa bomba. Ça voilà, allez, on y va. Et toute manière, c'est aussi du boulot à Pauline. Donc ouais, la butte, ouais. Qu'est-ce qu'elle fout dans l'émission? Elle devrait se remettre mieux avant à Neuilly. Attends, hein. Tu fermes ta gueule. C'est bon, la connaît ta chanson. Dommage que t'aies pas parlé des autres festivals, parce que, je sais pas, t'aurais pu nous parler du festival des alcooliques à Montigny-Bretonneux, par exemple. Bah ouais. Ça aurait été bien. Mmh. S'il avait bossé un peu. C'est pas comme si tu connaissais pas. Je connais pas. Dorigo. Non, je connais pas ce coin-là. Dorigo. Quoi ? Il en connaît d'autres, mais pas celui-là. Tu commences à faire du boulot de merde, toi. Hein. Non, mais toi, pour l'instant, tu m'éteins ton micro, ça fait la sixième fois que je te le dis. Alors, ouais, c'est qui c'est, Arrigo ? C'est trou de balle, en fait. C'est lui qui t'envoie des mots et tout, t'as même pas capté encore. C'est gueule d'amour et trou de balle. Mais c'est ça, t'as raison. C'est lui, fesse de bab. Mais oui, c'est ça. C'est ça. T'as raison, même. Espèce de connard. Ouais. Va chercher ta merde. Ma 205. Oh putain, ouais. Bon, alors, Emilien. Ouais, bah ça y est, j'ai fini. Pourtant, c'est de la faute d'Apollon. Alors donc, moi, qu'est-ce que j'avoue. On était bien, nous. Oh putain, qu'est-ce qu'on était bien. C'est une conclusion en plus, là. Rigaud, ouais. T'en es combien sur Internet? T'en es 4. Je sais pas, je peux plus avoir les chiffres. T'es en naze. Merde. De t'as tout pété de 200. Donc, alors, il y a Servomix qui me passe une conclusion de Fesse le Babouin qui dit qu'avec ce débat sur Cannes, Gérard, tu nous as fait un vrai festival. Ce soir, on a fêté ta connerie dans la bonne humeur. Les questions stupides ont défilé en guise de feu d'artifice. On a eu droit à une explosion de bêtises. Le bouquet final, ce serait que tu fermes ta grande gueule. Je pense que c'est une bonne conclusion. Ouais, après mieux de fermer son. Après mieux d'éteindre son internet. Et sinon, conclusion de RIP qui dit à Père Fouras que normalement il n'a pas le droit de faire entrer des gens au Festival de Cannes, mais si c'est Aurélie, c'est bon, il n'y a pas de problème. Non, mais ça. Il est vilain bad boy. Et il y a Destroy qui te demande en fait combien il y a de marches à Cannes. Aucune idée, voilà, parce que t'as pas bossé. Parce que t'as bossé. Déjà, pour commencer, je vais répondre à sa question. Je n'ai pas pu y aller parce que les CRS nous ont interdit l'accès. Ah, mais t'aurais pu. Tu prends un quid. Un documentaire de la ville de Cannes et tu regardes combien il y a de marches. Si t'avais bossé un peu chez toi. Toi, va baisser ta. Va baisser ton bébé. Écoute, Rigo. Reste Rigo un peu, Gérard. Parce que si toi, on te disait va baiser qui tu sais, tu serais pas content. Moi, si vous me faites chier, moi, 2h30, je me casse et puis comme ça, vous verrez comment ça va faire. Bon, il y a quand même cette chère conclusion de Turpentine. Ouais, si c'est pour me dire que mon débat n'a ni queue ni tête, moi, je l'emmerde. Ok. Voilà, comme ça, ça va plus vite. Alors, conclusion du débat, pour moi, personnellement, dommage que ça ait été de la... Il y a eu de la merde, comme d'habitude, ça m'étonne pas, avec les gens au standard. Donc, j'espère que le deuxième va mieux se passer que le premier, parce que si ça se passe mal, je vais pas faire les 10 questions, et j'en avais retiré le chef avant. Donc, j'espère que le deuxième va bien se passer, donc ça portera sur la chirurgie esthétique. Donc, j'espère qu'on va pas avoir des branleurs au standard. On va pas avoir des branleurs à l'antenne pour me dire des conneries, parce que sinon, ça va faire comme le premier débat, ça va zapper. Et donc, on va s'écouter les connards boiteux avec Bonnet sur la croisade. J'aurai une palme d'or dans le cul. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite du débat.